RQC. Il est 9h. Living in the Past. Le meilleur du classique. Hi, this is Robert Plant. Hi, this is Jimmy Page of Led Zeppelin. This is Angus Young of AC/DC. Hi, this is Kenny Jones. Hi, this is Paul Rodgers. Hi, this is Mick Jones of Foreigner. This is Alice Cooper. Hi, this is Dave Menichetti of Y&T. Hi, this is Gary Moore. Hi, I'm Ian Anderson. Hi, this is David Coverdale, and you're listening to Classic Rock Radio. Amis du rock, bonjour, bienvenue sur les ondes d'RQC. Nous venons démarrer ce nouveau numéro de votre émission préférée, Living in the Past, avec du bon vieux rock'n'roll, du vrai. C'était Bob Seger, Get Out of Denver en 1974 sur l'album Seven. Et... Living in the Past. Man in Rap. Et cette fois, c'est malheureusement fini, fini en tous les cas pour les amoureux des vacances. Les grandes vacances sont définitives, 2017 sont définitivement derrière nous. Les enfants et petits-enfants ont repris ou sont sur le point de reprendre le chemin de l'école. Alors, bonne rentrée à toutes et tous, avec une pensée particulière pour les enseignants qui nous écoutent régulièrement, que ce soit sur la bande FM, en direct via Internet, en podcast sur le site rqc.be. Et pour nous aussi, c'est la rentrée. Bonne nouvelle en ce début d'année scolaire, car je suis heureux de vous annoncer que désormais, nous serons ensemble, en principe, tous les lundis matins. Le rythme actuel, soit une émission tous les 15 jours, sera toutefois maintenu durant les périodes de vacances scolaires. Et au programme, toujours plus de rubriques agrémentées naturellement d'excellentes musiques, les classiques du rock et de la pop. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais les auditeurs de plus en plus nombreux qui nous écoutent et qui nous contactent. Alors pourquoi changer ? Et par exemple, la semaine prochaine, rentrée des classes oblige, je vous proposerai une séquence spéciale consacrée aux rockers et l'école. Et oui, tous nos rockers ont bien sûr été petits, ont été étudiants et donc ont passé leurs premières années sur les bancs d'école. Mais stop au blabla, nous sommes aujourd'hui le 4 septembre, place à notre rubrique anniversaire. Et replongeons-nous tout d'abord le 4 septembre 1958. À l'époque, le magazine américain The Billboard créait son top 100 des singles. Et c'est un certain Ricky Nelson qui a inauguré la première place avec un titre intitulé Poor Little Fool. I used to play around with hearts, hasten at my call. But when I met that little girl, I knew that I would fall. Poor little fool, oh yeah, I was a fool, Poor little fool, I was a fool all night. She'd play around and tease me with her carefree devil eyes. She'd hold me close and kiss me, but her heart was full of lies. Poor little fool, oh yeah, I was a fool, she cared for me, and that we'd never part. And so for the very first time, I gave away my heart. Poor little fool, oh yeah, I was a fool, Poor little fool, I was a fool, oh yeah. The next day she was gone, and I knew she lied to me. She left me with a broken heart, won her victory. Poor little fool, oh yeah, I was a fool, Poor little fool, I was a fool, oh yeah. Well, I played this game with other hearts, but I never thought I'd see the day when someone else would play love's foolish game with me. Poor little fool, oh yeah, I was a fool, Poor little fool, I was a fool, oh yeah. Poor little fool, oh yeah, I was a fool, Changement d'ambiance maintenant, replongeons-nous le 4 septembre 1968, on est en pleine période de rock psychédélique et débuté le Newport Pop Festival en Californie. Deux jours de festival au cours desquels les 100 000 spectateurs ont pu écouter Kenneth Heath, Sonny Ancher, Steppenwolf, The Birds, The Grateful Dead et Iron Butterfly qui proposait sa chanson culte Inagada Davida. Elle aurait dû normalement s'intituler In the Garden of Eden, mais les membres du groupe étaient tellement bourrés que c'en est devenu Inagada Davida. On est parti pour un petit périple de 17 minutes. Bon voyage. In a God of a fleet of honor, don't you know that I'm loving you? In a God of a fleet of paper, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? Please take my hand. Let me tell you that. Here I go. You know that I'll always be true. Yeah. Inagada Davida, Iron Butterfly en 1968 sur l'album du même nom. Ces gars pas très sages sortaient à l'époque un morceau de 17 minutes tout à fait bluffant. Et j'espère que ça a sûrement ravivé pas mal de souvenirs chez beaucoup d'entre vous. En tous les cas, moi je me souviens très très bien du moment où j'ai découvert cette musique qui depuis lors ne m'a plus quitté. On reste toujours dans les années 67-68 et l'affiche de ce Newport Post Festival en Californie et des groupes comme Kenneth Heath, Sonny and Cher, Steppenwolf et les Birds nous proposaient ceci. Thank you. Cause it's a brand new game and I wanna play. Running, head out on the highway, attention in whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Buy all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the guns and what's in. Explode into space. Like a true nature's child. We were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. Thank you. Deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I defined these terms quite clear, no doubt, somehow. But I was so much older then, I'm younger than that now. Ce superbe titre des Birds, My Big Pages de 1967 sur l'album Younger Than Yesterday, clôturé cette séquence qui vient fort à propos puisque, pour mémoire, on célèbre actuellement le 50e anniversaire de cette fameuse période baptisée Summer of Love. Nous écoutions dans l'ordre Kenneth Heath, Going Up the Country, Sonny and Cher, The Beat Goes On, Steppenwolf, Born to be Wild, et bien entendu The Birds, My Back Pages. On grimpe maintenant dans les années 80, en 1980 pour être tout à fait précise. Et John Lennon, plus ou moins à cette époque-ci, débutait sans le savoir, et pour cause, il devait être malheureusement assassiné quelques mois plus tard. Et il entamait sans le savoir ce qui sera son dernier album, l'album baptisé Double Fantasy. Et il a été enregistré au studio Hit Factory de New York. Et c'est vrai que dans un premier temps, l'album n'a pas très bien marché, notamment aux États-Unis. Il était sorti en novembre. Cet album a la particularité d'alterner des titres chantés d'abord par Yoko, ensuite par John Lennon. Il marquait le retour de Lennon à la vie publique et les ventes furent au départ très correctes, mais sans plus. Mais par contre, elles ont malheureusement grimpé en flèche juste après l'assassinat du musicien. On le retrouve ici avec un des titres phares de cet album, Just Like Starting Over. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly, but when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting again. like we used to in the early days. Well, well, darling, it's been too long since we took the time. No one was to blame, my little time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting. John Lennon, Just Like Starting Over. Et on grimpe 4 années plus tard pour retrouver Prince. Prince qui est alors dans le top américain des albums. Il y restera d'ailleurs 24 semaines avec Purple Rain. Et l'album se vendra à 10 millions d'exemplaires. On y retrouvait évidemment le single Purple Rain, mais aussi l'énorme tube When Doves Cry. Why do we scream? Et voici Purple Rain, toujours avec Prince, en 1984, sur l'album du même nom. I never meant to call you in sorrow. I never meant to call you in pain. I'm the one who wants to have you laughing. Thank you. Je ne doute pas que vous avez apprécié particulièrement cette petite séquence Prince et ses souvenirs de 1984, extrait de l'album Purple Rain. Il y avait tout d'abord Wind of Cry, suivi du superbe single de 8 minutes 40 de Prince. Et on fait un saut dans le temps maintenant pour se retrouver en 2002 avec Bruce Springsteen qui, à l'instar de Prince, est lui aussi numéro un des albums avec un disque qui sort malheureusement après les événements dramatiques du 11 septembre 2001 et auquel il fera référence dans ce titre « The Rising ». Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On the shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells are ringing. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the Ah, le boss avec ce titre en souvenir des dramatiques événements du 11 septembre 2001. The Rising, et pour rappel, donc le 11 septembre, c'est-à-dire dans 8 jours, je serai parmi vous, puisque dorénavant, j'aurai la chance de vous retrouver toutes les semaines. Le rythme passe, devient, le rythme de l'émission devient en effet hebdomadaire. Et donc, mais aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre et il est temps maintenant de célébrer un bon anniversaire à deux musiciens. Tout d'abord, l'ex-batteur des Pretenders, Marty Chambers, qui est né un 4 septembre 1951 à Hereford, en Angleterre. Et ensuite, bon anniversaire aussi à Kim Thayil, guitariste de Soundgarden, qui est né, lui, en 1960 à Seattle, dans l'État de Washington. Nous retrouvons successivement Soundgarden avec Phil on Black Days et poursuivre les Pretenders, Back on the Chain Gang. Tiré de l'album Super Unknown. Disappear. Black hole.

À 10h17 sur les ondes RQC, je ne voudrais pas refermer cette page anniversaire sans avoir évoqué brièvement la carrière d'une des icônes du rockabilly des années 60-70 et qui vient malheureusement de tirer sa révérence le 18 août dernier, âgé de 88 ans. Il s'agit de Sonny Burgess. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Pourtant, il fut un véritable pionnier du rockabilly, un artiste signé d'ailleurs chez la célèbre label Sun Records. Il est né dans l'Arkansas et deviendra très vite le leader des Pacers, son groupe. Et il s'est distingué très vite grâce à son jeu de guitare très identifiable et sa présence scénique unique. Il a hésité très longtemps entre une carrière musicale avec les Rocky Road Ramblers, qui fut son premier groupe, et une carrière de joueur de baseball professionnel. Mais ce projet s'est très vite envolé puisqu'il a été malheureusement mobilisé pour aller à la guerre en Corée. Il en reviendra, fort heureusement pour lui, en 1953. Il reprendra le chemin de la ferme familiale et formera alors son groupe qui deviendra plus tard les Pacers. Et le film Rock Around the Clock l'inspirera pour le show sur scène. Mais c'est surtout Elvis Presley qui lui permettra de se révéler. Il assurera d'ailleurs la première partie du King lors d'un concert en Arkansas. Et ce dernier lui conseillera même de venir à Memphis pour faire un essai avec Sam Phillips. De là est sorti un premier single baptisé Red-Headed Woman qui verra le jour en 1956 et Phillips dira plus tard que Burgess a la voix de Howlin' Wolf et cette session sera qualifiée par des historiens comme étant du punk avant le punk. Après quelques singles remarqués, de longues tournées en compagnie de Johnny Cash et de Roy Orbison, excusez du peu, tout ça dans le courant des années 60, Burgess décidera d'arrêter la musique dans les années 70, mais pour faire ensuite un comeback au milieu des années 80. Il réalisera d'ailleurs quelques albums solo, reformera son groupe les Pacers à la fin des années 90 et animera même une émission de radio We Wanna Boogie en Arkansas. On le retrouve ici avec ce premier single Red-Headed Woman. Yeah. C'était donc Collector, un enregistrement de 1956, Sonny Burgess, Red-Headed Woman, Sonny Burgess, dont malheureusement on célèbre ici le décès récent. Voilà, ce titre achevait définitivement notre séquence anniversaire. Place maintenant un peu de musique progressive. Et la fois dernière, dans notre séquence consacrée à l'histoire précisément de ce style musical, la musique progressive, nous avons évoqué la genèse de ce style musical, notamment à l'écoute de deux extraits d'albums fondateurs du style, à savoir Days of Future Past des Moody Blues et Ars Longa Vita Brevis des Nice. On peut aussi faire remonter la genèse du style progressif au Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, publié en juin 1967 et dont nous venons donc de fêter, voici quelques semaines, le 50e anniversaire de la sortie. Intégrant des éléments issus des traditions musicales, du folk, du jazz, de la musique indienne et évidemment de la musique classique, cet album va pousser toute une génération de musiciens issus de la vague rhythm and blues à faire éclater le cadre de la chanson pop de 3 minutes avec ses couplets et ses refrains. Cette attitude s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans l'émergence de la contre-culture hippie de l'époque, motivée elle aussi par une remise en question des valeurs traditionnelles de la société occidentale. Et pour illustrer le tout, voici un extrait justement de ce mythique album Sgt. Pepper's and Lonely Hearts Club Band. J'ai cité A Day in the Life. Flat. Found my way upstairs and had a smoke and somebody spoke and I went into a dream. Ce morceau fabuleux des In The Life, extrait de l'album Sergeant's Paper and the Lonely Hearts Club Band, les Beatles, pour notre séquence de l'histoire du rock progressif que nous retrouverons volontiers la semaine prochaine avec également un groupe tout à fait mythique, ce sera Emerson, Lake and Palmer, avec une réinterprétation de l'œuvre classique de Moussorgsky, tableau d'exposition, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. On fait maintenant un petit saut de 10 années, on se retrouve en 1977 avec le groupe Téléphone, pour notre séquence Le Rock Made in France. Le groupe Téléphone sortait alors un premier 45 tours qui fut totalement autoproduit et sur lequel figuraient les deux premiers hymnes de ce groupe qui deviendra la formation phare du rock français de la fin des années 70 et 80. Il s'agit d'Hygiaphone et de Métro C'est Trop. Il fut d'abord vendu à la sortie des clubs et des MJC et connaîtra un succès souterrain qui conduira Philippe Constantin à prendre Téléphone sous contrat chez Pathé Marconi dès l'été 1977. Et il enverra le groupe dans un studio en Angleterre pour lui faire enregistrer un premier album éponyme. Ce disque au son brut est constitué du répertoire de scène avec en plus les deux titres précités. Et le mythe Téléphone débutait alors. Living in the past. Du rock made in France. Je t'ai fait. Living in the Past. L'album du jour. Place maintenant donc à notre séquence, l'album du jour, aujourd'hui consacré à un album des rois du surf rock. J'ai cité les Beach Boys, que nous retrouvons ici en 1973 avec un album un peu moins connu que les autres. Il s'intitule Holland. Pourquoi ce titre ? Eh bien, tout simplement parce qu'il a été réalisé en grande partie aux Pays-Bas, eh oui. Et les Beach Boys, pour mémoire, c'est un groupe mythique formé en 1961 par un certain Brian Wilson et ses frères Carl et Dennis. Leur cousin Mike Love et leur ami Al Jardine, vous voyez, on faisait tout en famille. Et quatre ans plus tard, Bruce Johnston les rejoignait pour remplacer Brian Wilson en concert. À cause de ce dernier qui était diagnostiqué schizophrène et paranoïaque, pas moins que cela, mais pourtant compositeur génial, le groupe ira tout au long de son histoire de rupture en réconciliation, alimenté par des différences de vues sur le plan artistique et des disputes d'argent. Et en 1972, les Beach Boys se composent pourtant encore des cinq membres originaux, soit les frères Wilson, Mike Love et Al Jardine. Et cette année-là, après le départ de Bruce Johnston, qui réintégrera en fait le groupe en 1979, il faut savoir suivre, ils accueilleront deux nouveaux musiciens sud-africains, le batteur et guitariste Ricky Fattah et le chanteur-guitariste Blondie Chaplin. Et l'album All Holland, enregistré donc en grande partie aux Pays-Bas, à Bambrug, près d'Amsterdam plus précisément. Et les Beach Boys, en fait, s'y étaient installés en famille pendant l'été. Et ils y ont fait acheminer plus de 3 tonnes de matériel de Los Angeles, pourquoi pas. Ce qui a rendu d'ailleurs le projet assez onéreux. Et le groupe s'est dit en tous les cas avoir été très inspiré par le pays, ses canaux, ses rivières. Et des titres comme Sail on Sailor, Steamboat et Funky Pretty que nous allons écouter, Funky Pretty sur la fille de Neptune, parlent d'eux-mêmes. Voici maintenant que je... Steamboat. Allô? Ah, Michel! The river's a dreaming old time. Ah non? Ah, mon Dieu! Banks of Jasper glazed, ever calling, sing the stream is a timepiece of children. Bridge with crystal haze. Oh, vient d'avoir Roland au bout du fil. Ah ben voilà. Normalement, il va te rappeler, il devrait te rappeler. Voilà, je prétends ce qu'elles sont. Rest in time. We're lost. Fabuleux Beach Boys que nous retrouvons ici pour évoquer cet album de 1973 baptisé Holland. Nous avons écouté successivement Steamboat, puis Sail on Sail pour terminer par Funky Petty. Et si Brian Wilson, l'enfant terrible du groupe figure bien et bien de la partie. En fait, à ce moment-là, il reste seul dans sa maison et écoute en boucle un titre de Randy Newman, Sail Away. Un titre qui lui inspirera une suite de 6 courts morceaux. L'ensemble fut appelé Mount Vernon and Fairway. Il durait 12 minutes et il fera d'ailleurs l'objet d'un IP qui sera vendu sous emballage plastique avec cet album Holland. Et au cœur de cet album, Holland figure une trilogie écologique baptisée California Saga. Pour le premier mouvement, Mike Love nous emmène du côté du Big Sur, au sud de Carmel, sur la côte. Al Jardine prendra le relais avec un interlude baptisé The Beaks of Eagle, un poème californien de John Robinson Jeffers, un poète que je ne connais pas. Et il conclut sur une évocation joyeuse de cet état américain qui rappelle un tout petit peu les California Girls des débuts. À sa sortie en janvier 1973, Holland fut bien accueilli tant par la critique que par le public. Voici maintenant, de manière ininterrompue, cette California Saga. On the head of an old redwood, on one of the precipice-footed ridges above Ventana Creek, that jagged country which nothing but a fallen meteor will ever plow. No horseman will ever ride there, and no hunter cross this ridge but the winged ones. No one will steal the eggs from this fortress. The she-eagle is old. Her mate was shot long ago. She is now mated with a son of hers. When lightning blasted her nest, she built it again on the same tree. in the splinters of the thunderbolt. Broken shack, an old man takes his time about dying. And just at the back, wildflower bed that he'll lie in. In dawn's new light, a man might venture a horse-drawn stage from Monterey. She-eagle's older than I. She was here when the fires of 85 raged on these ridges. She was lately fledged and dared not hunt ahead of them, but ate scorched meat. The world has changed in her time. Humanity has multiplied, but not here. Men's hopes and thoughts and customs have changed. Their powers are enlarged. Their powers and their follies have become fantastic. On the hill, a wagon load of bodies lay scattered. Shipwrecked at sea, limestone ore is all that mattered. They took it from the hills right in through the cargo doors. And how many ships have come and gone at Thurso's landing shore? The unstable animal never has been changed so rapidly. The motor and the plane and the Great War have gone over him. And Lenin has lived and Jehovah died, while the mother eagle hunts the same hills, crying the same beautiful and lonely cry. And is never tired, dreams the same dreams, and hears at night the rock slides rattle and thunder in the throats of these living mountains. It is good for man to try all changes, progress and corruption, powers, peace and anguish, not to go down the dinosaur's way until all his capacities have been explored. And it is good for him to know that his needs and nature are no more changed, in fact, in 10,000 years than the beaks of eagles. The eagle's plight, we know that nature's balance is undone. Birthright of man to unify and live his life as one. A whisper of the word will let you soar with your soul. Yeah. Voilà, on vient de terminer ainsi avec cette saga, cet enchaînement de trois titres baptisés California Saga. On vient de terminer, dis-je, l'évocation de l'album de 1973 baptisé Holland, qui a la particularité d'avoir été composé et même réalisé en grande partie chez nos voisins aux Pays-Bas. Et nous enchaînons maintenant avec notre séquence consacrée aux nouveautés ou rééditions que j'ai pointées, à commencer par un album consacré à Elvis Presley, hein, dont on a fêté l'anniversaire du décès tout récemment, et un album, dis-je, qui s'intitule Elvis Symphonique, c'est-à-dire c'est la reprise de toute une série de titres connus du rocker, mais sur le mode symphonique. C'est pas mal foutu du tout, et je vais vous proposer, pour commencer, In the Ghetto. On enchaînera ensuite avec Arcade Fire, et son nouvel album baptisé Everything Now, qui vient de sortir, et nous terminerons cette séquence dans un tout autre genre avec le groupe d'heavy metal allemand Accept, et qui nous interpréta Cool Head, extrait de ce nouvel album baptisé The Rise of Chaos. Mais pour commencer, voici le King in the Ghetto en mode symphonique. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. But take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. In the ghetto. And as her young man dies, song. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. And his mama cried. In the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. back again. Can't make it back again from everything now. Living in the past. Tout en métal. We'll be right back. C'était donc trois titres d'albums qui viennent de sortir et qui sont autant de disques que je vous recommande pour vous faire plaisir ou faire plaisir à un proche si vous avez à offrir un cadeau. Il y avait tout d'abord le King avec cet album Elvis Symphonique et plus spécialement l'extrait que j'ai choisi, In the Ghetto, et ensuite la formation américano-canadienne Arcade Fire qui est en fonction déjà depuis le début des années 2000 et qui nous propose ici maintenant un nouvel album baptisé Everything Now. Et nous venons d'ailleurs d'en écouter la plage titulaire. Et pour terminer, les vétérans du heavy metal, le groupe allemand Accept avec Kool-Aid, extrait de The Rise of the Chaos. Et après les nouveautés ou rééditions, voici quelques idées de sorties et de concerts. À commencer par Metallica qui viendra en Belgique les 1er et 3 novembre au Sport Palace d'Anvers. Le 8 novembre, ce seront les Doobie Brothers, tiens, de vieilles connaissances. Le 8 novembre au Cirque Royal de Bruxelles. Et enfin, Manfred Mann's Earth Band, lui fréquentera le Spirit of 66 de Verbier, je sais c'est un peu loin, mais bon, ça vaut peut-être la peine de s'y rendre le jeudi 9 novembre. Mais voici pour débuter. I'm loving you. Living in the Past. Le rock en balade. Et quelle balade, Metallica, Nothing Else Matters, du Black Album de 1991. Open mind for a different view. this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. Never care for games they play. Georges, nous apprécions votre humour, mais nous aimerions vraiment savoir à quoi sert ce machin-là. C'est une machine à explorer le temps. Un grand modèle pourrait transporter un homme. Living in the past. La machine à remonter le temps. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. Vous êtes tombé, votre tête a heurté la chasse-eau. Et c'est en vous relevant qu'il vous est venue l'idée de construire le convecteur temporel qui rend le voyage dans le temps possible. Let's go. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Thank you. with its frozen zone reminding him of romance. Runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. In the dark with the monsters, the adolescent pumps his way into his heart. With a border on my shoulder, feeling kinda older, I trap the merry-go-round. With his fairy and pleasing, sneezing and wheezing, the calliope crashed to the ground. Now Scott with a slingshot finally found a tender spot for his lover in the sand. As he not shot, forget me not to head, he's within earshot, take the buckshot, turn up the band. Some say like gold sister with the manager mister, told me I got what it takes. She said I'll turn you up, son, into something strong. She got down, but she never got touch, it's gonna make it through the night. Fabuleux titre, fabuleux groupe, Manfred Mann, Earth's Band, dans un de ses tubes célèbres de 1976, Blinded by the Light. Groupe mythique qui continue à tourner puisqu'il sera, pour rappel, en Belgique au Spirit of 66 le jeudi 9 novembre. Auparavant, nous avions les Doobie Brothers and Long Train Running de 1973 sur l'album The Captain and Me. Et pour débuter cette balade imparable de Metallica, Nothing Else Matters, qui figure pour rappel sur l'album, le Black Album de Metallica de 1991. Et nous allons poursuivre notre programme à 11h41 avec un autre groupe non moins célèbre, Dire Straits and Sultans of Swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, south of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. This and an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. Like anything. saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. In their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Il n'y a pas à dire, c'était Dire Straits, l'inoxydable Sultan of Swing. Et chaque fois que j'écoute ce morceau, les poils se dressent. Ça me fait toujours, de très nombreuses années après la sortie, un terrible effet. Nous étions avec Dire Straits en 1978 et à cette époque, l'Angleterre, que dis-je, le monde est encore sous la coupe du punk rock et la New Wave à ses premiers balbutiements. Et du rock laid-back à la Dire Straits avec un chanteur gigicalisé tel que Mark Knopfler, c'est pas vraiment dans le mouvement à l'époque. Jusqu'au jour où un animateur d'une station de radio célèbre aux Pays-Bas se décide à faire de la pub pour le groupe Dire Straits en programmant notamment ce Sultans of Swing. Et de fil en aiguille, la chanson est devenue un hit d'abord chez nos amis néerlandais et puis partout en Europe. Et l'album commence alors à se vendre et le groupe dans le mouvement file rapido aux Bahamas à l'invitation de Jerry Wexler, une légende de chez Atlantic, alors qu'à l'époque Dire Straits était toujours chez Vertigo. Et il accepte de produire un deuxième album qui sortira en 1979, le célèbre Communiqué, et qui sera enregistré alors même que le premier opus n'était pas encore devenu un réel hit. Et pour suivre, nous sommes toujours en été, même si c'est la rentrée et que les vacances, malheureusement, c'est fini, enfin pour la plupart d'entre nous. Et voici un hymne de l'été, Summer in the City, spécialement pour ceux qui, malheureusement, n'auraient pas eu la chance de pouvoir quitter la ville. Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer. In the city, cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city. In the summer, in the city. Summer in the City, une des chansons emblématiques de l'été 66, et le jeune frère du musicien folk John Sebastian, Mark, écrivit l'ébauche de ce Summer in the City alors qu'il n'avait que 15 ans. John et son bassiste Steve Boone complétèrent cette chanson, sortie en single et figurant ensuite dans leur album Hymns of the Loving Spoonful. Cette chanson, qui fut un énorme succès, a été rendu célèbre notamment par les sons de la rue new-yorkaise qui y furent ajoutés, Volkswagen Beetle, marteau pneumatique. Mieux que beaucoup d'autres, elle rend palpable le climat de jeunesse, d'insouciance, de légèreté qui régnait pendant ces années 60 et qui allait culminer pendant le Summer of Love californien de l'année suivante. Et pour suivre, toujours un peu dans la même veine, en tous les cas à la même époque, retrouvons un célèbre groupe de hard rock que vous reconnaîtrez aisément. Dans son tout premier tube, j'ai cité Deep Purple and Hush. We'll be right back. so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes you're gonna make me feel so bad. Les plus anciens auront sûrement reconnu Deep Purple and Hush. L'interprétation par Deep Purple d'un titre composé par Joe Sous et interprété à l'origine par un certain Billy Joe Royal, et qui a même un titre qui a même cartonné aussi à la fois aux États-Unis mais aussi en France grâce à l'interprétation de notre Johnny National. Mais les Anglais de Deep Purple ont repris ce titre de manière beaucoup plus travaillée que la version de Billy Joe Royal, mais tout en conservant la fougue rock and roll et en accentuant l'aspect mélodique et pop. On a pu s'apercevoir que Ritchie Blackmore s'amusait avec sa wah-wah et s'inspirait évidemment du dieu Hendrix, tandis que Rod Evans montrait d'emblée une certaine classe, soit un excellent morceau qui avait forcément tout d'un hit. Et nous allons à midi moins deux refermer notre grand livre de souvenirs musicaux avec un autre groupe tout à fait mythique. Il s'agit des Who, et leur titre extrait de l'album Who's Next de 1971 qui s'intitule Behind Blue Eyes. Mais auparavant, avant de vous quitter, je vous rappelle notre prochain rendez-vous le lundi 11 septembre à 9h sur les ondes de RQC pour un nouveau numéro de Living in the Past, puisque dorénavant l'émission aura lieu toutes les semaines. Nous nous retrouverons chaque lundi matin en votre compagnie et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Voici à poursuivre les Who and Behind Blue Eyes et bonne semaine à tous. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Living in the Past. Le meilleur du classique.